Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107, nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors avec ce soir, avec Jean-Marie Claudon. Oui. Donc, bonsoir. Bonsoir. Alors on va voyager, on va rêver un petit peu, hein, parce que tout le monde ne peut pas forcément aller au Kirghizistan. Voilà. Ah, si c'est bien de ce pays-là aujourd'hui. Oui. Et surtout faire des grandes rando en vélo dans des paysages merveilleux. Mais enfin, Jean-Marie va nous faire partager ce soir sa passion. On va essayer. Sa passion oui. de voyageur et puis de cycliste en même temps. Un vrai Christophe Colomb. Oui, il y a les deux aspects. Oui. Je disais de hors antenne tout à l'heure, un vrai Christophe Colomb. oui et non, parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup de chemins. Des chemins qui n'ont pas été explorés, quoique j'essaye de le plus souvent possible de sortir des sentiers battus, mais enfin... Alors pourquoi le Kirghizistan? Le Kirghizistan, parce que c'est un pays... Vous ne connaissez pas encore. Il y a tellement de pays dans le monde que je ne pourrais pas tous les faire, d'autant que j'ai commencé à faire ce genre de voyage à vélo assez tardivement. Et donc le Kirghizistan, mais parce que je voulais pas faire un voyage trop long, donc c'est un petit pays. Qui est pas un peu plus gros que la France quand même. Non, il est plus petit que la France. C'est pas un grand pays. Il est assez facile, il n'y a pas trop à se prendre la tête, il n'y a plus besoin de visa depuis quelques années. Et puis j'aime bien l'Asie centrale, et même l'Asie un peu plus loin, puisque j'ai eu l'occasion de traverser la Mongolie à vélo quelques années auparavant, et la Sibérie également. Et donc c'est des pays où il y a de vastes étendues sauvages, donc ça m'attire. Et je voulais aussi reprendre contact avec le nomadisme, les nomades que j'ai connus en Mongolie. Il y a une forme de nomadisme différente au Kirghizistan. Et bon, ça m'intéressait aussi de faire un petit peu la comparaison. Mmh. Voilà, et puis les paysages sont superbes. C'est plus montagneux. Il y a 92% du territoire qui est occupé par des hautes montagnes, jusqu'à 7400 mètres. 92%, il y a quelques vallées dont la capitale est située à environ 700 mètres d'altitude, mais après on s'élève très vite, très vite au-dessus de 2000 mètres, donc j'étais la plupart du temps... Beaucoup plus haut que les Vosges. Ah oui, pas de quoi. Sans comparaison, oui. Oui, j'ai souvent été, j'étais plus souvent à 3000 mètres qu'à... Trois fois plus haut. Trois fois plus haut, oui. Vous parlez de paysages, il y a quoi comme animaux là-bas? Que dis-je, 4-5 fois. Alors les animaux, on ne voit pas énormément, il y a des animaux très intéressants, mais on ne voit pas beaucoup d'animaux sauvages, à part, bien sûr, on voit des aigles, des vautours, les marmottes, tous les animaux. Il y a des loups, j'en ai pas vu, parce qu'ils prolifèrent quand même, il y a beaucoup de loups, mais en été, ils sont quand même pourchassés et... Ils sont, on les voit pas. À cause des troupeaux de moutons, bien entendu. Oui, parce qu'il y a quand même des élevages de moutons. Oui. Alors, ce qu'on voit, c'est surtout des animaux domestiques. Il y a un animal quand même qui est très emblématique du pays, mais qui est en voie de disparition, c'est le léopard des neiges ou panthère des neiges, on appelle aussi, mais c'est le léopard des neiges. Alors, on le voit beaucoup en statue ou sur les emblèmes du Kirghizistan, mais on n'en voit pas, il est bien caché dans les montagnes. Et bon, c'est une affaire de spécialistes pour aller les voir. Et encore, même les spécialistes de cet animal en voie de disparition ne le voient pas toujours. Heureusement, en fait. Mais là, donc, ça signifie quand même beaucoup de neige sur les sommets. Il y a des neiges éternelles. On est toujours... encadré par des montagnes avec des sommets enneigés, donc ça fait partie de la beauté du paysage. Mm-hmm. Parce que vous avez le bleu du ciel, les sommets enneigés, et puis il y a les couleurs de montagnes et de roches avec des ocres, des rouges, et puis des zones très vertes aussi quand même. Parce qu'il y a des zones arides, mais il y a des pâturages d'altitude qui sont... Il y a de l'eau, il y a pas mal d'eau quand même... Il y a de l'eau, puisque les glaciers, il y a des glaciers, donc les glaciers fondent, c'est même un problème avec le réchauffement climatique, ça les inquiète pas mal. Et il y a les neiges qui fondent. Hein. Donc, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, n'est pas toujours accessible. Les massifs montagneux, ils appartiennent à quelle chaîne exactement? Alors, c'est la chaîne des Tian Shan. Et qui est commun avec la aussi Chine. Les montagnes célestes. Qui est oui. Une chaîne de montagnes qui est commune oui, avec oui, oui. D'ailleurs, le sommet principal, le mont Pobeda, est presque à la frontière de la Chine. Il y a plus de 7000 mètres. Il est à 7400 et quelques mètres, oui. Vous avez d'accord. Dit, c'est le quoi céleste Les montagnes célestes. Les montagnes célestes. Les montagnes célestes, mmh. Ou le... On a aussi la dénomination, la chaîne des Tian Shan. Mmh. Tian Shan. Alors, pour situer un peu le Kyrgyzstan, c'est bon, il y a la Chine. La Chine, oui. Donc, au sud... Il est enclavé par... La Chine est, non, la Chine est à l'est. Et à l'est. La Chine à l'est. Il y a le Kazakhstan qui est au nord. Oui. Le Tadjikistan au sud. Ah, c'est le Tadjikistan. Oui. Le Tadjikistan, oui, qui est au sud, exact. Qui est très montagneux aussi. Et puis l'Ouzbékistan, là, qui, là, ça redescend, qui est à l'est, à l'ouest. Oui, j'ai dit la Chine est à l'est, et le, d'accord, et l'Ouzbékistan à l'ouest. D'accord. Voilà, c'est les pays d'Asie centrale qui comprennent aussi. Il y a le Turkménistan qui est en dessous, mais qui n'a pas de frontière commune. Et ces cinq ou six pays-là font partie de ce qu'on appelle l'Asie centrale. L'Asie centrale. Parce que la Mongolie n'en fait pas partie. Par... République soviétique. Voilà, c'est ouais. Des ex-républiques soviétiques qui ont pris leur indépendance après. Oui, après 90. Donc le Kyrgyzstan est devenu indépendant en 1991. Et c'est une république maintenant qui est démocratique. Et peu peuplé, assez finalement, parce que là, c'est très montagneux. Peu peuplé, c'est pas... Il y a moins peuplé. Il y a des nomades encore? Ah ben, il y a un fort retour du nomadisme, parce que le nomadisme a été interdit et pourchassé et persécuté par les soviétiques pendant de nombreuses années. Donc, il était interdit, ils les ont mis dans les colcos. Ah oui, oui, ils ont mis dans des colcos. Et depuis l'indépendance, il y a un retour important du nomadisme. D'accord. Oui. Alors c'est un nomadisme un peu différent du nomadisme que j'ai connu en Mongolie, où il y a là aussi il y a un retour du nomadisme. En Mongolie, la plupart des nomades nomadisent toute l'année. C'est-à-dire ils passent l'hiver aussi, par moins 40 ou moins 50 quelquefois, dans les yourtes. Et d'ailleurs, bon, ça crée Les yourtes qu'on retrouve un peu dans toute l'Asie centrale. Oui, il y a des petites différences, mais c'est assez semblable. Et donc, le nomadisme kirghize est un nomadisme plus saisonnier, c'est-à-dire que l'hiver, ils redescendent dans les vallées. Parce que comme le pays est à 3000 mètres ou plus d'altitude, enfin, les pâturages sont à 3000. La capitale est à combien ? À 750 mètres. D'accord, c'est vraiment... Oui. Le fond de vallée. Oui, il y a encore plus bas dans le sud où je ne suis pas allé, il y a le point bas, ça doit être dans les 600 mètres à Auch, dans le sud. Et quand même, la moyenne c'est 3000 mètres. Quoi. La moyenne, je ne sais pas, c'est difficile de faire une moyenne, mais il y a beaucoup de sommets à 4000, 5000. Il y a quelques cols, enfin, il ne faut pas voir ça avec des routes asphaltées, hein, c'est des pistes. C'est des pistes. Oui. Je suis passé par 5-6 cols à plus de 3000, entre 3000 et 4000 mètres. Il y a un col à 3009 des pistes en cailloux. On va y revenir. Tu pourrais nous parler un peu de la capitale alors? Ah oui, la capitale. Tu as atterri la. Oui, le voyage, donc ça signifie pas de vol direct. Il faut passer par un. Oui, il n'y a pas de vol direct. Turquie. Alors, depuis la France, le plus facile, c'est de passer par Istanbul, oui. Et on arrive donc à Bishkek. Alors, c'est la capitale où il y a le. Moi, je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais il y a un fort pourcentage d'habitants, parce qu'il n'y a guère que deux villes importantes dans le pays. Il y a Bishkek, la capitale, et Osh au sud. Et. Bishkek, c'est une ville, contrairement aux autres petites villes du pays qui sont plus rudes, pas toujours très rassurantes, Bishkek, c'est une ville où il fait bon vivre, une ville agréable, qui est bien, où les gens font des efforts, c'est assez cosmopolite. Mmh. On rencontre des gens de toutes nationalités. Et parce que là, et là, il y a en dehors des habitants qui eux-mêmes sont de différentes nationalités, enfin différentes origines ethniques. Et parce que le Kirghizistan. Kirghizistan. Ça veut dire que c'est le pays des Kirghiz. Les Kirghiz sont majoritaires. Un mélange ethnique. Mais il y a un mélange. Alors, c'est un peu compliqué. Bon, déjà, les Kirghiz, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs clans. Hein. C'est déjà un système clanique. À côté de ça, il y a des Ouzbeks qui sont plus dans le sud, puisque c'est mitoyen de l'Ouzbékistan. Il y a des Russes qui sont restés. Il y a encore 10% de Russes. Et puis, il y a des Tadjiks. Et puis, après, il y a d'autres minorités, des Chinois... C'est des peuples d'Asie. Alors l'origine, il y a une histoire assez compliquée, assez longue. En fait, curieusement, les Kirghiz, ils viennent de Sibérie, du bassin de l'Ienisseï, le grand fleuve sibérien. D'accord. Ils viennent du bassin de l'Ienisseï. Ils étaient sédentaires jusqu'au Xe siècle. Et après, ils ont commencé au Xe siècle à pratiquer le nomadisme. Alors ils sont descendus, ils ont ferraillé, il y a eu des batailles sanglantes et homériques avec les Mongols. Et ils sont atterris dans les montagnes célestes là, dont on parlait tout à l'heure. Et ils se sont fait dominer par les Russes au 19e siècle. Hein. Et ensuite, il y a eu la révolution... C'est un petit peu des petits cousins des Turkmètes, des Turcs. Les Kirghiz, ils ont une langue turcophone. Les Turcs et les Kirghiz, ils se comprennent. D'accord. Donc ça, c'est une langue difficile à comprendre. Ils n'ont pas les yeux bridés. La population n'a pas les yeux bridés. C'est-à-dire, oui, il y en a, je ne sais pas si génétiquement il y a eu du mélange, mais il y a des gens qui ont les yeux bridés. Il y en a d'autres, non. Alors, je ne sais pas. On ne sait pas toujours quand on a affaire à un pur Kirghiz. De pure ethnie ou bien mélangée. Mais c'est magnifique. Mais ça n'a quand même pas trop mélangé, parce que, comme ça, le système clanique, il reste quand même un peu entre eux. Hein. Moi, je trouve que c'est magnifique, ce cosmopolite... Cet aspect cosmopolite. Oui, c'est surtout la ville de Bishkek, la capitale. Là, ouais. Je disais tout à l'heure, je vous disais hors antenne... je pense que le mur de Berlin, il a fait bouger plein de choses. Déjà, il a fait bouger la chute a fait bouger plein l'Allemagne, mais il a aussi ouvert les yeux un peu, j'ai l'impression, à d'autres pays comme les pays baltes et peut-être les pays d'Asie centrale quand même. Il y a une volonté, je pense, de devenir indépendant, de devenir républicain, d'accepter les autres ethnies, c'est-à-dire d'être cosmopolite. Ça l'a toujours été, hein, parce que c'est des républiques. Oui, mais il y a une influence. Des républiques qui étaient dominées, bien sûr, par le système soviétique. Oui, c'est ça. Bah, c'est marquant encore aujourd'hui. Mais ils s'en sont quand même sortis. Ah, ils en sont sortis. En partie, oui. Enfin, ils sont encore assez proches des Russes. Oui, encore proches. Dans le sens où c'est une. Ils ont réussi quand même un passage démocratique, un peu, pas du premier coup, parce qu'il y a eu quand même deux révolutions sanglantes. Il y a eu une révolution en 2005 en 2010. On n'est pas dans un processus comme le Kazakhstan, par exemple, qui est devenu véritablement une dictature. Ah oui, les pays qui sont... Ils sont restés quand même assez... Ils ont réussi quand même à mettre un système démocratique. C'est le seul pays d'Asie centrale où la démocratie est à ce niveau. C'est encore pas une démocratie, évidemment, comme en France, mais... c'est loin d'être les démocratures ou les dictatures des pays environnants en ce temps-là. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont tombé, ils sont pratiquement passés d'une dictature à une autre, c'est-à-dire d'une dictature en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, oui, c'est assez... La seule chose qui était peut-être positive lorsqu'il était dominé par le système soviétique, c'est qu'il y avait un peu de partage par rapport aux autres républiques. C'est sûr que ça a créé des inégalités. Il y en a qui regrettent l'ère soviétique. Forcément, parce qu'il y a... Parce qu'il y a eu une croissance... C'est un classique, il y a une croissance des inégalités. Mais finalement, ils sont peut-être plus indépendants et républicains que la France. Républicain, non, je crois pas. Non, parce qu'on peut. Non, c'est quand même. Il y a encore des atteintes aux droits de l'homme, et c'est pas encore tout rose. D'accord. Mais bon, les élections, elles viennent d'avoir lieu au mois d'octobre, là, donc c'est un nouveau... L'ancien ne s'est pas accroché à son poste, ça s'est bien passé, il a été élu au premier tour, donc c'est assez... Il y a des avancées démocratiques dans la... Il n'y a pas de conflit interethnique. Ah si, si, le gros problème, c'est que... Comme c'est un pays, les frontières ont été découpées par les Russes. Elles ont été. Quand on voit le dessin des frontières du pays, on voit qu'elles sont très alambiquées. C'est voulu, c'était pour diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Donc, au sud, il y a les Ouzbeks, donc il y a des tensions. Le plus gros des tensions interethniques, c'est entre les Ouzbeks. Les Ouzbeks, mais qui sont kyrgyzstanais. Habitants du Kyrgyzstan, c'est les kyrgyzstanais. Qui comprennent des ethnies kirghizes et aussi des ouzbeks. Alors les kirghizistanais ouzbeks, ils sont entrés plusieurs fois en conflit. Enfin, il y a eu des tensions, il y a eu des pogroms entre kirghizes et ouzbeks. Ah oui. Ouais. Donc il n'y a pas longtemps, en 2010, c'est pas si vieux, il y a eu des milliers de morts. Enfin, officiellement, ça doit être 300-400, mais en regardant en détail, il y a eu à peu près 2000 morts. Dans des pogroms. Non, on n'en parle pas de ce pays-là. Il y a eu en 2010, il y a eu aussi des heurts. Il y a eu là 200 ou 300 morts à Bishkek même, devant le palais présidentiel. Oui. Mais Jean-Marie, est-ce que vous ne pensez pas que justement le tourisme peut aider à dénouer ces conflits? Ça peut pas faire de mal, mais bon, faut pas croire que ça va pas. C'est quand même devenu une destination touristique quand même aujourd'hui. Oui, c'est devenu touristique. Il y a beaucoup de parce que bon, c'est facile d'accès, comme je dis, il n'y a pas besoin de visa. Ouais. Et puis il y a beaucoup de petites associations qui se sont montées pour aller faire un petit tour. Donc ils amènent les gens en 4x4 pour aller faire un tour à cheval dans les montagnes. Donc les gens ils louent un cheval pendant 8 jours où ils font des treks dans la montagne. Donc ils montent une vallée, ils la redescendent sur 8 jours avec des guides locaux. Rarement quand même au plus haut sommet, parce que là, il faut presque... Au plus haut sommet, pour monter le plus haut sommet, il faut compter un mois. Il y a une acclimatation, donc il faut prévoir un mois pour grimper le... Puis pratiquement d'oxygène. Oui, 7400 et quelques mètres, c'est difficile. Oui, non, on peut pas. Là, il faut une organisation. C'est vrai. Donc il y a des alpinistes, c'est assez couru par des alpinistes, le Kyrgyzstan. D'accord. Pas seulement pour le plus haut sommet, mais il y a beaucoup de sommets intéressants dans les 5000 mètres. Hein. Mm-hmm. Qu'on peut faire là en rando, on pourrait dire. Hein, mais c'est surtout... Avec un minimum d'équipement. C'est surtout pour le cheval. Les gens vont surtout pour faire des randos à cheval, parce que c'est un pays de la civilisation du cheval, et il y a des chevaux partout, donc là, il y en a des milliers. En semi-liberté, peut-être. Des milliers. Ah oui, des dizaines de milliers, des millions, hein, je ne sais pas, mais... Il y a peut-être rien plus de chevaux que d'habitants. Ah oui, c'est comme en Mongolie, il y a plus... Bon, il y a des chevaux, des moutons, et puis après il y a des vaches et des chèvres, mais il y a nettement plus que d'habitants, c'est sûr, il y a 6 millions d'habitants. C'est des cavaliers. 6 millions. 6 millions d'habitants, oui. C'est des cavaliers, ils sont là. Oui, c'est des gens qui... Je crois qu'il y a un proverbe, alors c'est pas comme en Mongolie, il y en a un autre aussi, mais là c'est... c'est les ailes, le cheval c'est les ailes du Kirghiz, quoi. Non mais vraiment, ils sont à cheval et ils sont très adroits. Et, tous ces pays d'Asie centrale, c'est ça. Ils sont quasiment tout le temps à cheval, y compris pour garder les troupeaux, bien sûr. Oui, les troupeaux sont en liberté l'été, dans les pâturages d'été. Après, oui, en été, ils sont en liberté. Ils sont en liberté, plus ou moins, en liberté surveillée, parce que de temps en temps, ils les rassemblent. Mm-hmm. Il faut aussi qu'ils rattrapent les juments pour les traire, parce qu'ils vivent beaucoup des produits du cheval. Hein. Bon, quelquefois la viande, mais surtout le lait de jument. C'est quoi comme cheval, en fait? C'est une race particulière ou... C'est une race comme les chevaux d'Asie centrale, oui, donc c'est plutôt des petits chevaux. Ouais. qui sont menées d'une manière assez rude, là. Oui. Oui. Il y a des... Et c'est vraiment la civilisation du cheval. Ils font des... J'assiste à des jeux, c'est pas des combats... Ils sont pas très gras. C'est pas... Une ethnique n'est pas très grande, hein, les Kirghizes, si. Oui, il y a quand même des costauds, hein. Il y a quand même des costauds. Oui, oui, j'ai vu un endroit... Enfin, je ne l'ai pas vu parce qu'il est mort, mais il y avait des... Il y a un Kirghiz qui était un géant. Donc, c'est, peut-être c'est une exception, mais non, ils me paraissent de taille normale. Enfin. Mais en fait, je vais poser une question bête, mais en fait, à part le nomadisme, qu'est-ce qu'ils font de l'agriculture ou... Ben, l'agriculture, c'est impossible dans les montagnes, pratiquement. Donc, dans les vallées... Et ils font un peu d'agriculture, oui, le long des vallées plus basses. Et il y a un grand lac aussi qui est un peu tempéré. C'est le plus grand lac d'altitude, parce qu'il y a le Baïkal qui est peut-être plus grand, mais à cette altitude, c'est le lac ici coule là au bord. Il est à 1600 mètres d'altitude. Il fait 180 km de long. Et au bord, là, il y a de la culture. Bah, ils cultivent des abricots, des pommes de terre, des choses comme ça. Mais autrement, c'est de l'élevage. Ça influe sur le climat, quoi. L'étendue d'eau est telle qu'elle influe sur le climat. Oui, parce qu'il y a une grosse masse d'eau. Hein, puis c'est légèrement salé, d'ailleurs. C'est le reste d'une ancienne mer. Oui. Elle est légèrement salée, l'eau. D'une ancienne mer intérieure. Qui n'a pas été trop maltraitée comme l'Aral. La mer d'Aral, oui. Parce que la mer d'Aral a perdu les deux tiers de sa surface. Oui, oui. Comme ça, hein, parce que à cause de l'exploitation. Du coton. En particulier les cultures de coton. Bon, on va s'accorder peut-être une petite pause musicale avant de. On rentre du Kirghizistan, on va s'accorder une petite pause, mais toujours avec quand même la musique du Kirghizistan, justement. Kirghizistan, c'est difficile à dire. Kirghizistan. Distant. Kirghizistan. Ben voilà, c'est déjà fini. Oui. Un petit air d'ocarina. Ocarina, oui, c'est un chant traditionnel kirghiz. Voilà, ils sont assez musiciens. Bon, c'est pas l'instrument le plus joué. Il y a l'instrument le plus commun, c'est le komuz. C'est un instrument à cordes. Il y a des percussions aussi ? Non, pas tellement. Surtout des cordes. Hein, oui. À cordes, puis l'ocarina, bien sûr. Oui, alors... Finalement, c'était l'essentiel. La découverte du pays, c'était donc un VTT. Ah oui, Michel. C'est obligatoirement le VTT parce que il n'y a pas énormément de routes asphaltées. Les pneus, je suis habitué maintenant. J'ai des bons pneus. Donc, beaucoup de pistes. Donc, il fallait zéro crevaison. Ah oui. Oui. Pas besoin de prendre des pneus de rechange. Ah non, j'ai pas de pneus de rechange. Que je réfléchisse. Si j'ai un petit pneu de rechange au cas où, j'en ai quand même un, mais c'est pas le pneu qui me permettra de rouler beaucoup. Mais j'ai pour réparer, au cas où. Donc ce voyage, tu prends l'avion. J'ai pris l'avion à Bâle, puis Bâle, escale à Istanbul, et puis 6 heures d'escale, et après, donc après, arrivé au petit matin, à 4h20 du matin, à Bishkek, là, c'est un peu la surprise, le colis du vélo qui renferme le vélo est moitié broyé, avec des trous dedans, donc je me demande ce que je vais retrouver. Le vélo n'avait pas de mal. Ben, le vélo, il avait... Non, parce que je prends des précautions, mais il y avait des trous dans le carton, il manquait quand même une pièce, donc je ne pouvais pas m'en servir. Aïe. Donc j'ai passé la première demi-journée à Bichkek à rechercher un vélociste pour trouver une pièce. Ça existe ? Oui, il y en a. Oui. Bon, ça n'a pas été facile à trouver, mais... La pièce n'était pas chère, mais bon, il fallait la trouver quand même. Bien sûr. C'était pour attacher, je ne pouvais plus attacher la remorque parce que je fonctionnais avec une remorque. Ah oui, une petite remorque. Une remorque monoroue, oui. Bon, ce n'est pas le principe le plus... Comment tu t'organises ? Tu prends le temps, tu... Oui, ben, je suis presque toujours sous la tente, le plus souvent possible. Dans ces pays-là, c'est camping sauvage. Donc, bon, sauf dans les grandes c'est villes, pas... on peut pas, dans les villes, on ne peut pas... C'est pas risqué. Bon, non, pas trop. On peut être un peu embêté, quelquefois importuné, je dirais. Mais si on reste dans la nature, en respectant certaines règles, bon, ça va. Les gens sont accueillants. Ils sont très gentils et tout. Mais il y a un peu de paradoxe quand même. Il faut quand même se méfier un petit peu. Notamment dans certaines grandes villes, là, il y a des petites précautions, c'est classé par la France, par le gouvernement, pays à vigilance renforcée, mais bon, il ne faut pas avoir peur de ça, hein, c'est pas... Non. Moi j'ai eu quand même un petit problème... Il y a des bandes armées, certainement. Non, il y a... Bon, dans le sud, il y a des coins où il ne faut pas trop aller, donc je ne suis pas allé, là où il y a quand même un petit peu de risque, il y a eu des attentats et tout ça, mais... le seul petit problème que j'ai eu, c'est qu'il y a quand même pas mal de faux policiers. Non, moi, je suis tombé dans un traquenard avec des faux policiers. Ils ont essayé de me coincer, de m'arrêter. Oh là là. Mais bon, je savais que c'était des faux policiers. Parce que, ils voulaient me rançonner, mais bon. Bon, j'ai vu que c'était des faux policiers, j'étais au courant, donc ils m'ont présenté leur carte de police. J'ai tout de suite dit que c'est false, faux et tout faux. Ça, mais... Ouais. Bon, je m'en suis tiré quand même, parce qu'il y a une personne qui est passée, c'était une rue déserte, et il y a une personne qui est passée quand même, et j'ai crié en russe, aidez-moi, pamagite, pamagite, en russe, donc ils ont été surpris un petit peu, parce qu'ils parlent tous russe. Tu maîtrises un peu de russe ? Oui, c'est ça, oui, vous parlez russe ou commun... Pas de turc, non, le russe, ça... Vous communiquez en russe avec lui ? Je me débrouille un peu en russe. Ouais. Et donc, ils ont été surpris. J'ai profité pour arracher le vélo. Ils m'avaient coincé le pied dans la roue, dans les rayons de la remorque. Ils m'avaient attrapé le guidon. Ils ont été un peu surpris de mon intervention vis-à-vis de la femme qui passait là. Et j'ai arraché le vélo et je suis parti sans demander mon reste. Mais bon, c'est une petite anecdote. Non, autrement, les Kyrgyz sont... Ça s'est bien passé. Oui. À part cet incident. Dans ces pays-là... il faut se méfier un peu, c'est les hommes sous, parce que c'est un pays musulman, mais la vodka coule à flot. La vodka coule à flot et... C'est pas des bons musulmans, mais en quelque sorte. Bon, fois, c'est les musulmans leur façon. Hein. Bah oui. Et donc, quand ils sont sous, c'est un peu comme c'est vraiment en Mongolie. Les hommes, bien sûr, les hommes, bien sûr, parce que les femmes, je suppose qu'elles sont sobres. Oui, il y a une... Oui. Les femmes, oui. Et donc là, il faut se méfier des hommes sous. Bon, ils sont souvent plus importants qu'autre chose. Donc ça m'est arrivé d'avoir, dans un endroit à plus de 3000 mètres, où je n'avais pas vu âme qui vive pendant plusieurs heures, je plante ma tente dans une grande esplanade, là, dans une immensité. Je vois arriver un 4x4 qui fonce droit sur moi. Au bord de la... qui vient s'arrêter à ma tente, et puis avec la bouteille de vodka et tout, ils étaient un petit peu éméchés. Oui, et puis ils voulaient que je... Vodka voilà, il fallait se saouler avec. Bon, j'ai pas voulu, bon, ils étaient... Un petit coup quand même, même pas. Non, même pas, parce que j'ai pas voulu commencer. Bon, j'avais une expérience en Mongolie, là, après on s'en défait plus, hein, alors... Il fallait que je me repose. Bon, j'aurais dit que j'avais un mal au ventre en russe. Il ne s'est pas démonté, le gars, il va chercher directement son 4x4. Il me ramène du Calcex, c'est une sorte d'aspirine russe. Ah oui, c'est quoi l'aspirine russe alors c'est... Calcex, il y a aspirine aussi, mais Calcex, c'est un médicament, je pense que c'est à peu près comme du paracétamol. Ouais, quand on a trop mal à la tête après une nuit de brin. Oui, c'est des laboratoires russes qui fabriquent ça. Oh, j'en sais rien, je ne sais pas, mais bon. Ça vient de l'étranger quand même, ça vient de grands laboratoires. Oh non, il y a des laboratoires. Oh bah oui, ça vient, de toute façon, ils ne font pas grand-chose. Même si ce n'est pas directement au Kyrgyzstan, comme ça Kyrgyzstan, je oui. dit oui. plus voilà. facilement, la deuxième version. Je pense quand même que c'est beaucoup importé. C'est importé parce qu'il n'y a pratiquement pas d'industrie. Il y a très peu, j'ai presque quasiment rien vu. Ah, oui. Il n'y a pas d'industrie, c'est que l'élevage. Il y a des mines. Il y a une mine d'or quand même énorme, mine d'or, qui fait 10% du PIB, mais à part la mine d'or et puis quelques petites mines aussi, d'autres métaux, mais c'est tout, hein, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'activités minières. Dans cette mine d'or, si, c'est une mine à 4000 mètres, c'est des Canadiens qui exploitent, puis il y a un petit peu d'or aussi de l'autre côté, complètement à l'ouest. Il n'y a pas d'uranium, Bah, il y en a peut-être, mais c'est pas exploité. Il y a un petit peu de charbon, mais pas grand-chose. Oui. Et c'est tout. Donc, à part ça, il y a quelques rares industries. J'ai même pratiquement rien vu. Pas de coton non plus, puisque le climat ne s'y prête pas. Non. Peut-être dans l'extrême sud, je suis pas allé. Peut-être, j'en sais rien, mais là, non. Non, c'est beaucoup... Des céréales, de l'orge en particulier, non? Ah non, non, il y a un petit peu dans les vallées, du côté de... Du blé? Y a pas grand-chose comme champ, j'ai presque rien vu. Hein. Il y a un petit peu de foin, de choses comme ça, mais... Il y a beaucoup de l'élevage, quoi, finalement. Oui, oui. Ils vivent beaucoup de l'élevage... Mais ils vendent comme les boucheries, par exemple. Mais ils font du troc ou il y a des magasins dont... Bon, en ville, à Bishkek, c'est comme dans toutes les villes, il y a des... Il y a des magasins. Il y a même des supermarchés. Bon, oui, bah, c'est une ville, quoi. Hein. Avec des influences asiatiques, soviétiques, etc. Mais c'est une ville. Mmh. À part ça, même les villes moyennes, c'est plus des gros villages et c'est des petites épiceries. Oui. Où ils vendent. Alors moi, je n'arrivais pas à trouver. Je ne trouve rien à manger parce que c'est des produits vendus en grande quantité ou en vrac, et surtout des boissons. Et ils vendent tous la même chose. Certainement d'importations. Oui, beaucoup d'importations. Oui, il y a pas mal de produits chinois. Et donc, il y en a à tous les coins de rue. Enfin, si je peux dire, même dans les villages où. Un petit village de rien, il y a une boutique ou deux des fois, mais s'il y en a deux, ils vendent la même chose, c'est-à-dire quasiment rien. Ouais. Alors ça m'est arrivé dans un petit village de faire trois boutiques et de ressortir avec la faim, parce que je n'ai rien trouvé à manger. Ah oui, je me rabats sur de la bière parce que c'est un peu de calories. On a vu qu'on pouvait la tente, je suppose, le bathtub pneumatique, Oui, le minimum. Pour se nourrir, tu avais pris quand même un peu de barres de céréales. Mais on peut pas prendre grand chose parce qu'il faut le travailler. Oui. Hein, et comme j'ai fait beaucoup de dénivelé, c'est rude. J'avais quand même en cas de disette pris quelques aliments lyophilisés. Ah oui. Donc, je les ai vite consommés hein, dans la. À la première moitié, à la fin de la première moitié de mon périple. Le voyage a duré combien de temps? Oui, au fait, on n'a pas. Un mois, un petit mois, quoi. Un petit mois à l'intérieur. Ouais, un petit du mois. Pays. Enfin, j'étais un mois dans le pays et sur les routes, un petit mois parce que j'étais amené à rester deux jours au début à Bishkek pour me. Bon, j'étais 40 heures sans sommeil déjà au départ et puis j'étais malade. Je suis parti malade déjà. J'ai une grosse gastro, le décalage horaire, tout ça. Puis à la fin. Après, j'ai été malade sur le parcours. J'ai eu des petits problèmes. Digestifs, certainement. Non, infection urinaire. Alors, j'ai dû prendre des antibiotiques dès le troisième jour. Et à donc, cause de nous ou à cause de quoi? Non. C'est quand il fait très, très chaud. Et pourtant, je bois beaucoup. Hein, et bon, je suis assez sensible à ça. Ça m'est déjà arrivé en Serbie. L'eau est de qualité, quand même. Ah ben, l'eau, non. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Il faut le faire bouillir. Je mets des pastilles dedans ou je... Ouais, d'accord. Bon, ça dépend. Si je trouve à acheter, j'achète de l'eau, hein, enfin de l'eau ou des boissons. Mais après, quand je suis dans la nature, je puise l'eau dans les rivières. Et souvent, c'est de l'eau qui vient des glaciers, elle est toute grise, je la filtre. Mmh. Éventuellement, je mets une pastille dedans ou pas. Ça dépend s'il y a des troupeaux. S'il y a des troupeaux dans le coin, je mets des pastilles. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui m'a rendu malade, non. C'est au départ... Et il faisait très chaud, les deux premières étapes, j'ai eu 42 degrés sur la route. Ah d'accord. Et bon, j'avais beau boire, quand on roule longtemps assis sur la selle... Les aliments finissent par quand même se dégrader un tas de soit peu avec la chaleur. Oui, alors bon, voilà, pourtant, je bois, là je buvais 7 litres d'eau par jour, hein, enfin d'eau et de boisson, parce que oui. Je bois de l'eau, je bois du coca et puis de la bière. Mais bon, apparemment, c'était encore pas suffisant, je sais pas. Bon, les étapes, comment ça se passait? Parce que ça, pas une journée, on ne pouvait pas faire non, de parcours, surtout sur des pistes, bon, surtout avec des nivelés. Là où il y a de la route bitumée, bon, ça va, hein, on peut faire... Bon, j'ai pas fait des grandes étapes, hein, d'habitude, en Europe ou dans les pays, ou même au Canada, là, je fais des étapes de 160 km, mais... D'accord. Là, j'ai pas dépassé 130 km. C'est pas mal. Et sur des routes, là, quand la route est bitumée, parce que bon, c'est rare que la route soit bitumée et bonne tout le long. Hein. Souvent, c'est plutôt des nids de poules où la route est charruée, ou des choses comme ça. Dégradée, rugueuse, elle tape. Il y a quelques bonnes parties, mais c'est rare. À part ces portions-là où j'ai pu faire plus long, le reste, c'est du VTT sur des pistes assez caillouteuses. Et avec pas mal de passages à guet aussi, des rivières à guet, torrents, des choses comme ça. Et puis beaucoup de vent. Non, j'ai pas été trop embêté par le vent. Pas comme en Mongolie. Non, le vent, ça m'a pas marqué cette fois-ci, parce que il y a des voyages, le vent est marquant. Mais là, non. Les voyages en Asie centrale, ils disent le vent. Ah ben en Mongolie, là, le vent. Oui, il y a des moments. Il y a eu un jour en Mongolie, impossible de planter la tente. Hein. Mmh. À ce point-là. Ah oui, j'ai appris, il y a un Allemand qui avait voulu planter la tente, il est parti, il s'est envolé avec la tente. Hein. Oh. Ah oui. À ce point. Ah oui, non, en Mongolie, il y a des jours où c'est impossible de... C'est les plateaux qui sont tout le temps... Non, là ça va, j'ai pas eu de problème. Non, il y a des changements de temps fréquents, des orages, mais ça dure pas trop longtemps, ça va. Ça soulève pas de sable. Non, j'ai pas eu de vent de sable. Non c'est pareil, en Mongolie j'en ai eu, mais là, non. Vraiment protégé. Mais Michel, je voulais revenir sur l'eau, en fait, parce que oui. Je voulais soulever le problème avant que vous en parliez. Bon, vous arriviez à vous débrouiller, mais eux, la population, elle fait comment pour s'hydrater et pour boire? Ah ben, ils boivent l'eau des ruisseaux, hein, aussi. Oui. Puis, bon, ils ont des pick-up ou des petits... Ils ont des voitures, hein, quand même. Hein. Oui, et ils vont... ils vont chercher de l'eau de temps en temps, ils ont des... Ils se ravitaillent. Je pense aussi qu'il y a une certaine accoutumance, hein, une possibilité une adaptation par rapport à l'eau. Hein. Comme au Maroc, certains Marocains disent il ne faut pas que vous buviez de l'eau, aux Européens, il ne faut pas que vous buviez de l'eau, mais nous... Mais enfin, l'état sanitaire du pays arrive sans avoir d'inconvénients. Il y a quand même pas mal de risques. Il y a un état sanitaire des gens pas brillant, et puis il n'y a pas de structure. Pas de tifus, quand même, pas de... Non. Non, c'est plutôt des problèmes intestinaux. Oui, puis il y a des eu... Des problèmes infectieux, certainement. Il y a eu beaucoup de syphilis. Oh là là. Ah bon? Ah oui, il n'y a encore pas si longtemps. Oui. Puis il n'y a pas d'hôpitaux, hein, enfin à part à Bishkek et à Osh, à part là, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Hein. Oui. Et puis le niveau des médecins est très bas, parce que, bon, il y a la corruption à fond, hein, dans le pays, il faut savoir, comme dans tous ces pays-là. Donc les médecins, ils commencent 2-3 années de médecine, et puis ils achètent leur diplôme de médecin. Oui. D'accord. Ils achètent les Kirghizes, ils achètent aussi, ou les Kirghizistanais, ils achètent les permis de conduire aussi. Ah oui. Oui. Ça craint. Oui, oui. Ça craint, t'en sois plus, quoi. Ouais, ça craint. Sur les routes, il faut faire gaffe. Hein. C'est vrai que la fin de l'ex-URSS a vu aussi un pays qui s'idéalitait quand même au point de vue structure sociale, forcément. Oui. Ils ont gagné de la liberté, mais non pas forcément. Ah bah oui, les structures sociales qui étaient quand même. Oui, il y avait des lignes de bus, des abribus assez conséquentes, ce genre d'élité. Oui. Avec ce qui est marquant, il y a des abribus au style soviétique et tout décoré. On voit tous les abribus tous en ruine. Il n'y a plus aucun bus. Ah oui. À part dans les villes, ville, mais autrement, il n'y a plus aucun bus. Et c'est tout laissé au marché privé. Donc c'est des petits minibus, des marchouska. Qui amène les gens d'une manière un peu... Anarchique. Même les touristes, alors. Ah ben, les touristes aussi. Ah, c'est anarchique aussi, oui. Il faut... c'est... Il faut aller se renseigner sur place, quoi. Et puis, tu es parti à quelle saison, alors? En automne? En été, parce qu'il y a guère que... Parce que ça dure pas longtemps, hein, le beau temps. Hein. Ah bon? Donc, c'était au mois de juillet. Oui, je suis parti... Oui, c'est ça. Je suis parti début juillet, je suis revenu début août. Bon, après, après le 15 août, d'où la chaleur, c'est l'automne, quoi. Et puis avant, il y a encore des neiges, la route est pas... Oui, les routes c'est sont ça, pas, on peut se demander comment il y a des neiges éternelles qui fassent 42 degrés. Ah ben, dans la vallée, c'est un climat très continental, donc il fait moins 50 l'hiver, hein, ouais. il y a même des petites villes qui sont en altitude, il fait moins 50 l'hiver. Et oui, puis, sinon, il y aurait pas de loup. Moi, j'ai vu 42 degrés. Ouais. Plusieurs fois, j'ai eu 42 degrés. Oui, climat continental. Très continental, oui. Relativement sec, bien sûr. Bah, sec. Il y a de la neige quand même en hiver. Et puis, il fait des orages quand même. Des orages assez violents en montagne. Avec les montagnes, puis, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Moi, j'ai eu quelques-uns sur le dos, mais ça ne m'a pas trop perturbé. Et vous étiez en vélo quand il y a eu l'orage? L'orage est tombé dessus. Ah bah oui, j'étais dans la steppe. Il n'y avait rien, ça claquait autour de moi. Il y avait les éclairs qui claquaient autour de moi. Vous n'avez pas peur de vous foudroyer? Si, j'étais un peu pas trop rassuré, parce que c'est rare que j'ai peur, hein, mais des orages. Mais j'ai eu peur deux fois. Une fois au Canada, en Alberta, je crois. Alors là, c'était terrible. Les éclairs qui claquaient devant moi sur la route, et puis j'ai pu m'abriter. Vaut mieux pas s'abriter, parce que s'abriter sous les arbres, c'est encore plus dangereux. Et là, il n'y avait rien pour s'abriter. Il n'y avait rien. J'ai quand même trouvé. Alors là, c'était exceptionnel, mais il y a toujours un Dieu pour quand on a des problèmes pour les voyageurs en vélo. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, alors qu'il n'y a absolument aucune construction. La seule de sur des dizaines de kilomètres. Il y avait une espèce de mausolée en pierre, un truc horrible, tout droit, une tour. Et j'ai pu m'abriter là quelques instants, plaqué contre le mur. Et ça a passé assez vite, quoi. On va s'accorder une deuxième pause musicale, hein, je pense. Le choix, c'était, au fait... Alors là, c'est de la musique classique, Grieg. Ah oui, d'accord. De Pierre Gint, hein. Au matin. On rentre. On rentre avant de repartir tout à l'heure. Oui. Eh bien voilà, nous retrouvons Jean-Marie, donc grand voyageur à vélo, bien entendu, à travers le Kirghizistan. C'est plus facile de dire Kirghizistan. Il faut dire Kirghizistan, c'est plus facile, oui. Voilà, en sachant bien que, bien on part comme ça, VTT, donc petite remorque, tente, etc. Oui, bah, je suis rodé à ça. Mais vraiment, c'est très... Avec le minimum, donc tout est très, très léger. Je vis avec le minimum de choses, on n'a pas besoin de grand-chose finalement. Enfin, quand même, ça doit être quand même très difficile. Non, c'est une discipline, c'est une habitude. Oui, t'avais. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver à manger tous les jours ce qu'il faut pour avoir les calories. C'est pas toujours évident, quoi. Si tu dois comparer à d'autres voyages, puisque t'es un grand voyageur devant l'Éternel, comme on dit, c'était quand même peut-être l'épreuve la plus dure. Non, j'appréhendais un peu, c'est peut-être du fait que j'étais pas trop bien physiquement, j'ai ces petits problèmes d'infection urinaire, là, mais autrement, non, bon, ils sont tous différents, mais bon, le voyage en Mongolie, Sibérie, Russie, tout ça était assez costaud aussi. Hein. Bien sûr. Et puis, il y en a d'autres aussi, voyage au Cap Nord. Moins pentu. Disons, là, il y avait du dénivelé, mais ce qui faisait le dénivelé, bon, c'est pas trop un problème en soi, c'est surtout l'état du terrain. Bien sûr. Donc des pistes assez caillouteuses, quelquefois boueuses. Donc à un moment donné, j'ai même évité de partir dans une boucle de 1200 km que j'avais programmée, j'ai changé mon programme, parce que bon, j'étais déjà pas trop bien physiquement, d'autre part, il avait plu, il y avait de la boue, et puis j'avais 4 jours sans village, avec des cols à 3000-3500 mètres, sur des pistes dures, donc j'étais pas sûr de m'en sortir. Donc là, je change à ce moment-là. C'est-à-dire, tu aurais peut-être survécu, mais pas forcément le VTT. Ah si, non, le VTT, lui, je sais réparer. Il survit à tout. Oui, c'est pas le problème, ça. Non, puis pédaler, tout ça, ça va, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ne pas avoir de pépins, quoi. Il faut pas... être vraiment malade. Enfin, j'avais quand même, en extrême urgence, j'avais quand même une balise où je pouvais appeler des secours éventuellement, mais... Et puis qui me permettait, comme le téléphone passe pas, ça me permettait de communiquer, d'envoyer des emails. Bon, je pouvais pas parler, hein, c'est pas... Et de recevoir des emails et des SMS. Parce que les secours, ils seraient venus d'où, de la capitale? Ah ben, je sais pas, parce que la balise, là, ben, il faut s'en servir qu'en cas de mort. Parce que là, hein. tu prends une assurance pour être couvert C'est pas une assurance, non, j'ai pas d'assurance, non. C'est compris dedans, donc ça déclenche les secours à Houston, au Texas, aux États-Unis, au Texas. D'accord. Et après, bon, ils s'adressent à une agence locale à Moscou, et puis de Moscou, ils renvoient des gens dans le pays, je sais pas comment ils se débrouillent. Mais comme c'est un GPS aussi, ils ont la position exacte, ils savent même si on bouge ou si on bouge pas. Ouais. Donc c'est le miracle, c'est une sécurité, c'est quand on est tout seul comme ça c'est une sécurité un petit peu. Bon, il y avait peu de chances que j'ai à m'en servir, mais ça m'a servi à donner ma position. Un satellite qui t'observe. C'est la télémédecine, comme on appelle ça maintenant. Non, parce qu'il n'y a pas d'effet. Non, il n'y a aucun service médical. C'est juste la position. Et puis, Oui. Non, mais je veux dire. Non, mais on est en communication avec. On peut envoyer un message en disant je sais pas, j'ai une jambe cassée ou un truc comme ça. D'accord. Oui. Mais. Non, mais l'intérêt, c'était que je pouvais envoyer pour communiquer des mails et des SMS à ma famille, qui pouvait répondre, même si le téléphone ne passait pas, comme ça a été le cas assez souvent. Donc c'était sécurisant, je suis solitaire, mais il faut quand même que j'aie du contact. Bah oui, c'est vraiment un défaut de réseau. Bah oui, puis dans les montagnes, là, il ne peut pas avoir du réseau pour... Oui, et puis surtout que c'est un pays montagneux, quoi, bien sûr. Il n'y a pas de relais, suffisamment pour pouvoir actionner des téléphones portables. Ça serait pas justifié, oui. Oui, puis ça laissait ma trace sur une carte disponible sur Internet. C'est-à-dire que, bon, il fallait que je programme ça, mais tous les 30 minutes, il y a un point qui se dessinait sur une carte sur Internet. Et les gens qui avaient le lien pouvaient voir où j'étais, à quelle vitesse je bougeais, tout ça. Bon, c'était un petit truc. D'habitude, je ne prends pas de GPS, rien du tout. Mais là, je sais que le pays était quand même tout seul dans un pays comme ça, avec plusieurs jours. plusieurs jours sans rien. Faut quand même prendre des... Parce que ça serait bête de mourir dans un ravin. Bah oui, bien sûr. Mais moi, c'est impressionnant, alors, le plus haut col que tu... 3000, je suis passé à 3900 mètres. Ah oui. J'avais un col à 4001 mètres, je ne l'ai pas passé parce que c'était que des pierriers, puis il fallait que je redescende. Ça laisse rêveur par rapport à nos cols qui sont à 2800 au plus haut dans les Alpes. Non, mais ça ne pose pas trop de problème parce que je suis monté progressivement quand même au col, là, parce que ça monte par palier. Il m'a fallu deux jours. Physiquement, quel coup. Oui, oui. Parce que, oui, bon, on sent un peu l'effet de l'altitude sur le haut, donc quand même, bon, de temps en temps... quand on approche des 4000 mètres, quand même... Oui, puis quand la pente est à 15% sur des cailloux avec une remorque de 20 kg, on s'arrête un petit peu. Oui, bon, dans les radars les plus durs, quand ma vitesse tombait en dessous de 5 km/h, je descendais le vélo, je poussais, alors là, je retombais à 3 km/h, mais... Moi, bon, ça dure pas longtemps, hein. C'est des petits passages. Autrement, non, je fais tout en vélo. Il faut quand même un minimum d'entraînement. Ah ben, j'ai toujours l'entraînement. Tu roules tout le temps, tout au long de l'année. Je roule toute l'année. Alors. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai des kilomètres, là, c'est pas un problème pour moi. Ouais. Moi, j'ai une question. Tu exerces sur les sentiers vosgiens avant de. Ouais. Oh, sur la route, hein. Sur la route, bien sûr. Oui. Moi, j'imagine, il y a quelque chose que j'aimerais bien imaginer, c'est. Ils sont habillés comment? Ils sont... C'est quoi, en fait? Ils ont des costumes ou... Il y a des costumes traditionnels, mais ils ne les portent plus, hein, pratiquent que dans les fêtes. Ouais, c'est comme dans les pays, en Laponie et tout. Les costumes sont plus portés. Aux costumes mongols? Oui, pour les femmes, non, mais... Pour les hommes, ouais. Un peu. Enfin, il faut que les cavaliers soient à l'aise aussi. Hein. Oui, oui, non, ils sont habillés normalement. Oui. Quoi. Ils mettent des jeans et des... j'en sais rien, je n'ai pas fait attention à ça. Ah bon. Puis les hommes, on n'en rencontre pas trop, hein, parce que bon, je suis allé plusieurs fois, j'ai été accueilli dans des yourtes. Ben, les hommes, ils sont sur leurs chevaux. Hein, ils sont sur leurs chevaux et les femmes, elles sont dans la yourte. Donc c'est elles qui offrent le thé et le koumis, le lait de jument fermenté, alcoolisé. Ça s'appelle alcoolisé? Légèrement alcoolisé. Ah, parce que, koumis. Parce qu'il a fermenté. Koumis. C'est du lait de jument fermenté, donc il est un peu alcoolisé et c'est assez raide. Assez raide à avaler. Oui, assez raide à avaler. Faut pas trop abuser. On mélange au thé? Non, pas du tout. Non, avec le thé, ils mettent des fois un peu de beurre rance. Du beurre rance. Beurre rance de yak ou des trucs comme ça. Oui. Comme au Tibet. Voilà. Autrement, c'est des fromages, des... Non, il y a des fois, j'ai mangé des choses, c'est pas ce que c'était, en fait. Pas de bouillie d'orge ou de... Non, je sais pas, j'ai mangé des espèces de grumeaux à un moment donné, je pense pas, c'était... C'était à 3500 mètres d'altitude, alors je pense pas que c'était de l'orge. À moi qui l'ai amené de la vallée, je sais pas. Il n'y a pas de temps en temps des fringales, quand même, qui t'étaient obligées à faire des pauses. Ouais. Ben, fringale pas trop, non, je suis pas trop sensible à ça, mais bon, quelquefois j'ai un peu... Parce que quand même faire 130 km, il y a eu un moment... en montagne, après le col à 3009, là, je suis redescendu à 1600 mètres, d'un seul coup, là. Et en bas, alors là, j'avais la dalle et je voulais aller à un endroit, j'y suis pas allé. Au premier village venu, j'ai fait demi-tour, je suis allé dans un autre village. Là, je me suis rebattu sur n'importe quoi. J'ai mangé ce que j'ai trouvé, des trucs assez infâmes. C'est le meilleur moyen de découvrir, finalement. On va interrompre là, parce qu'il faut quand même qu'on annonce, parce que tu as fait une moisson d'images, bien entendu. Et oui, images et vidéos, oui. Et vidéos, et donc, c'est le 21... Alors, le 21 avril, je vais projeter ce reportage au Ménil. À la Familiale. À la Familiale, à 20h30. Alors c'est gratuit, hein, entrée libre. Oui. Voilà, en association avec le Haute-Moselle Ski Nordique qui m'invite pour cette occasion. Là donc, il y aura une projection d'un film. Il y aura les copains. Bah, il y en aura certainement, oui. Et puis après, une discussion sur le pays, sur le voyage, et puis les questions. Une discussion après, qu'on a déjà un peu anticipé ce soir. Oui, oui. Ah, mais bon, en une heure, c'est vrai, une petite heure comme ça. Oui, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Ça donne un avant-goût. Il y a tellement de choses à dire. Justement, ça donne un avant-goût, ça donne envie d'aller voir cette vidéo. Hein. Bien sûr, c'est aussi le but de, c'est aussi le but de cette émission. Ah, c'est un montage, il est présenté comme une vidéo, mais il y a beaucoup d'images. C'est un mélange images et vidéos, mais c'est sonorisé. Donc c'est le 21 avril au Ménitio, à la salle de la... Familiale au Ménil, 21 avril, 20h30. Finalement, c'est une salle assez vaste. On peut y avoir du monde. Et c'est un samedi. Un samedi soir, 20h30, oui. Donc, allez nombreux, ça vaut le coup, hein, pour compléter, parce que là, ce soir, on avait que l'aspect, j'allais dire, conférence, découverte du pays, verbalement. Il y aura un tas d'images qui sera mis à la portée des spectateurs, de ceux qui voudront bien se rendre donc à cette soirée. Voilà, images assez colorées, oui. Le pays est coloré. Hein, les montagnes sont assez jolies. Ça fait rêver, on aimerait bien y aller. Peut-être pas en vélo, parce que bon. Peut-être, mais pourquoi pas, après tout. Mais tout le monde peut y aller au Kyrgyzstan, parce qu'il y a des. C'est un véritable exploit quand même. Exploit, non, c'est de la petite aventure ordinaire, quoi. C'est pas. Non, c'est faisable. Oui, parce que tu as entraîné. Enfin, comme moi, peut-être pas le même itinéraire, mais tout le monde peut y aller. Marcus hoche la tête avec moi. C'est quand même plus qu'ordinaire. Merci beaucoup, Jean-Marie, de nous avoir reçus. Oui, mais merci aussi de m'avoir reçu et de m'avoir permis de parler. Et donc, rendez-vous le 21, à partir de 20h ? 20h30, d'accord. Voilà, on vous souhaite. On remercie bien sûr Jean-Marie. Merci à vous également. Et puis on souhaite à nos auditeurs bien sûr une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis on vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Voilà. Bonsoir.